Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'attentat à la station RER Saint-Michel-Notre-Dame à Paris le 25 juillet 1995. Très vite pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'actes de guerre perpétrés par les islamistes. Très vite, on pense au GIA, groupe armé algérien, qui avait frappé 6 mois plus tôt en détournant l'Airbus d'Air France Alger-Paris. 1 mois après l'attentat, les gendarmes interpellent l'un des terroristes avant que d'autres attentats ne reprennent. Une période de tension qui aura duré 3 mois et qui aura fait 8 morts et plus de 250 blessés. Il s'agit bien là d'une déclaration de guerre de la mouvance islamiste radicale contre la France. D'autres actes terroristes suivront, on ne sait que trop. Le djihad prendra plusieurs visages au nom de plusieurs organisations, Al-Qaïda, KMI, Daesh et tous ces actes isolés, au nom de ces organisations terroristes, en passant par Mohamed Merah, les attentats de 2015, bien sûr, l'assassinat d'un prêtre, jusqu'à celui, vendredi dernier, de Samuel Paty, l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine, qui bouleverse tant la France. Ce récit est une rediffusion de l'émission proposée en octobre 2015, d'où parfois quelques décalages temporels dans les propos, notamment avec notre invité à l'époque, Jean-Philippe Leclerc, journaliste indépendant, aujourd'hui directeur adjoint des rédactions du journal L'Équipe. Il se trouve que, lors de la première diffusion, 1 mois avant, il avait écrit un grand article dans Le Monde Magazine sur Khaled Kelkal, le principal responsable de la vague d'attentats commis en France à l'été 95. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Nguyen, Jérôme Chélius et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Place Saint-Michel, 6e arrondissement de Paris, mardi 25 juillet 1995. En plein cœur de l'été, le soleil est au rendez-vous et les terrasses des cafés sont bondées. Sur les trottoirs, de nombreux badauds, touristes ou étudiants vont et viennent. Cartes postales et réalités se rejoignent. Les enfants jouent, des touristes mitraillent la fontaine Saint-Michel avec leur appareil photo. Tout ce petit monde s'égaye quelques dizaines de mètres au-dessus de la station Saint-Michel-Notre-Dame qui exhale l'odeur caractéristique des bouches de métro. C'est d'ailleurs l'une des plus importantes du réseau. Située en plein cœur de la capitale, elle accueille une ligne de métro et 2 lignes du RER. Ici, chaque jour, ce ne sont pas moins de 15 000 personnes qui sont en transit. Vers 17h30, heure de sortie des bureaux et heure de pointe, une rame du RER B en direction du sud de la capitale entre au 2e sous-sol de la station. Ces wagons sont remplis d'usagers qui se pressent les uns contre les autres. La rame arrive à quai, elle ralentit puis s'immobilise. Des dizaines de personnes sur la plateforme patientent en attendant l'ouverture des portes. C'est à ce moment précis que se produit une terrible explosion qui fait vibrer le sol et libère un important nuage de fumée. Dans les minutes qui suivent, la place Saint-Michel est prise d'assaut par un impressionnant dispositif de secours. 30 minutes plus tard, les programmes d'Antenne 2 sont interrompus pour un flash spécial d'information. Madame, monsieur, bonsoir. 4 morts, 40 de blessés à la suite d'une mystérieuse explosion cet après-midi au cœur de Paris, dans la station Saint-Michel du RER. Le président Jacques Chirac s'est rendu sur les lieux ainsi qu'Alain Juppé. Pour le Premier ministre, rien ne permet pour l'instant de dire qu'il s'agit d'un attentat, mais les présomptions sont extrêmement fortes. Immédiatement, l'état-major des sapeurs-pompiers a déclenché le plan rouge. Le quartier Saint-Michel est quadrillé par la police qui en protège l'accès. Les personnes qui ont réussi à sortir de la station par leurs propres moyens sont regroupées dans l'une des grandes brasseries de la place Saint-Michel. Très vite, au sein de l'établissement, les services de secours mettent sur pied un poste médical avancé pour gérer l'afflux des personnes légèrement blessées. Elles souffrent pour la plupart de contusions, de troubles de l'audition, de plaies superficielles ou de chocs psychologiques. Au bout d'une heure, 150 personnes y sont examinées par les pompiers et par les médecins avant d'être évacuées, pour certaines, vers les hôpitaux parisiens. L'une des victimes présente dans la voiture numéro 6, la même où s'est produite l'explosion. Thierry Radbeau raconte la scène. J'étais devant la porte, les gens étaient amassés derrière moi parce que à Châtelet-Léal, tous les gens montent dans ce train et moi j'ai pour l'habitude de me lever et de me mettre devant la porte pour pouvoir sortir le plus rapidement possible à Saint-Michel. Et au moment où on arrive à quai, le train était quasiment arrêté, j'allais appuyer sur le bouton pour que les portes s'ouvrent et là il y avait la déflagration et j'étais éjecté sur le quai avec les portes et enfin c'était horrible quoi, horrible. J'ai pas réussi à me relever tout de suite, j'ai l'impression que mes jambes étaient paralysées, enfin, j'étais engourdi, j'étais à moitié KO. Et dans l'éjection, j'ai mon sac à dos et ma chaussure est restée dans le train. Et quand je m'en suis aperçu, que j'ai réussi à reprendre mes esprits et à me lever, que je voyais que je pouvais marcher, que j'avais rien de grave, le réflexe a été de rechercher dans le wagon mon sac et ma chaussure et puis de partir de cette horreur. Je savais pas ce qui se passait, je voyais les gens qui gémissaient, qui étaient en sang et... Ça m'a tellement fait peur, ça m'a tellement effrayé que la seule chose que je voulais faire, c'était de partir de cet endroit et rentrer chez moi, sachant que moi j'avais les vêtements en lambeaux, j'avais mes vêtements qui brûlaient, je m'en rendais même pas compte. Moi je voulais rentrer chez moi, retrouver ma femme, mes enfants pour les rassurer, je voulais être avec eux quoi, et être transporté ici. Et donc vous avez repris un train aussitôt. J'ai repris vous un train aussitôt. Vous n'êtes même pas passé par l'hôpital de campagne. Je voulais pas, de toute façon les pompiers, ils avaient assez de boulot comme ça avec d'autres personnes qui étaient dans des états lamentables. Moi, j'arrivais à marcher, je saignais un peu de partout, mais les gens dans lesquels, une fois que j'ai pris ma correspondance, j'ai pris donc, les gens s'occupaient de moi, ils m'ont assis, ils m'ont donné des Kleenex pour que je m'essuie, ils m'ont donné à boire. Et de toute façon, j'avais des brûlures, j'avais même pas mal. Ce qui me gênait le plus, c'était les oreilles. Parce qu'il y a eu un bruit incroyable et bon, j'ai les deux tympans qui ont été percés et les gens me parlaient, j'entendais même pas ce qu'ils me disaient. Les hôpitaux vous attendez, les victimes sont traitées sur place. Alors que les pompiers s'affairent en surface, quelques mètres plus bas dans les entrailles de la station, les services du SAMU prennent en charge les blessés les plus graves. Seul un caméraman de l'ECPA, d'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, est autorisé à les accompagner pour immortaliser la scène. La plupart de ces images ne seront jamais transmises aux médias, et pour cause, elles sont glaçantes. On y voit le sixième wagon de la rame où s'est produit l'explosion. Il est éventré. À l'intérieur, on y aperçoit déchiqueté un corps sans vie sous des morceaux de tôle. Le sol est jonché de bris de verre, de restes de vêtements et de mares de sang. À quelques mètres de là, dans une chaleur insupportable, les médecins tentent de désincarcérer certains blessés. Au milieu du quai, le SAMU et les pompiers font tout leur possible pour tenter de réanimer les survivants. L'ambiance est pesante, l'air est chaud et sent encore l'odeur de soufre laissée par l'explosion. Dehors, le parvis de l'église Notre-Dame, situé à quelques dizaines de mètres du lieu de l'attentat, est bouclé. Dans un balai incessant, des hélicoptères atterrissent puis redécollent pour transporter en urgence les blessés vers les hôpitaux parisiens. À 19h, le directeur des opérations de secours, le lieutenant-colonel Alain Michel, fait le point sur les moyens engagés. Les secours donc ont été organisés suivant une doctrine maintenant bien connue du plan rouge. Et il y a deux postes médicaux avancés qui ont été installés initialement. Au niveau de ces postes, ce sont des gestes médicaux extrêmement lourds qui ont été effectués. Puisqu'après les premiers secours, il y a les malades qui ont été donc intubés. Certains ont eu des amputations, donc il y a des garrots qui ont été mis, ils sont criblés, donc ce sont des malades, pour une dizaine d'entre eux, extrêmement graves. En début de soirée, près de 300 pompiers et membres des services de secours sont toujours à pied d'œuvre auprès de la centaine de blessés réfugiés dans les brasseries de la place Saint-Michel. Dans les heures qui suivent, le bilan se fixe à 8 morts, 25 blessés graves et plus de 150 blessés légers. Jamais la France n'avait connu pareil désastre depuis la fin de la guerre d'Algérie. Du côté des autorités politiques, c'est le silence et le recueillement. Côté enquête, premier enseignement, la puissance de la déflagration et surtout sa cible laisse penser que l'engin explosif a été placé dans le train. Puis c'est le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, qui se rend sur place et qui évoque officiellement la piste privilégiée par les enquêteurs, celle d'un attentat. On avait cru comprendre. Neuf ans après la série d'événements meurtriers qui avait touché la capitale en 1986, le spectre du terrorisme refait surface, soudainement, brusquement, sans crier gare. C'est la définition du terrorisme. Paris est meurtri, mais qui l'a frappé? Au lendemain de l'attentat, aucun groupe terroriste ne revendique. Les services de renseignement français piétinent, condamnés à attendre le résultat des analyses de la police scientifique sur les débris de l'explosion. La piste serbe est un temps envisagée par les médias du fait de l'investissement de la France dans la résolution du conflit en ex-Yougoslavie et sa prise de position en faveur des Bosniaques. Mais très vite, cette hypothèse est écartée, faute d'éléments concrets. Alors, le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debray, lance un appel à la population. Nous avons besoin de tous les témoignages. L'enquête avance, les services de la police judiciaire travaillent de façon remarquable, mais il faut tout mettre en œuvre pour multiplier les indices, les témoignages. Et c'est ainsi que j'ai décidé qu'une somme de 1 million de francs serait offerte à toute personne qui nous fournirait des éléments permettant l'identification et l'arrestation du ou des coupables. Puis viennent les conclusions des experts de la police scientifique. Et très vite, tous les soupçons et les regards se postent vers la piste islamiste. En effet, sur le lieu de l'attentat, les policiers retrouvent des fragments de ce qui semble être une bonbonne de gaz. Sur le quai, ils découvrent des clous et des boulons qui semblent avoir servi de mitraille. Une analyse en laboratoire révèle que l'engin qui a explosé était composé de poudre noire et de désherbant, le type même de matériel qu'utilise habituellement le groupe islamique armé, le GIA, la nébuleuse paramilitaire qui gangrène depuis plusieurs années l'Algérie à coups d'attentats dans le but de renverser le pouvoir et d'instaurer un État islamique. C'est ce même groupe qui, 6 mois plus tôt, avait détourné le vol Alger-Paris d'Air France. Dans cette affaire, tous les terroristes avaient alors été tués par le GIN et le GIA avait annoncé qu'il se vengerait. L'attentat de Saint-Michel est-il le résultat de cette menace de représailles? Ce qui étonne les enquêteurs, c'est qu'il n'y a eu pour le moment aucune revendication. Comme le GIA est une organisation morcelée, constituée de multiples structures, l'une d'elles aurait-elle agi de façon indépendante? Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle est prise au sérieux par les enquêteurs, d'autant que le 31 juillet, ce sont les services secrets algériens, le DRS, qui indiquent à leurs homologues de la DST que un ou plusieurs groupes du GIA sont présents en France et qu'ils ont l'intention de commettre une série d'attentats. 3 semaines plus tard, le 17 août, alors que l'enquête est au point mort, Paris est de nouveau la cible d'un dramatique événement. France Inter. Nouvel attentat sanglant donc, cet après-midi au cœur de Paris, une bombe dans une poubelle près d'un kiosque à journaux à l'angle de l'avenue Hoche et de l'avenue de Friedland, tout près de l'Arc de Triomphe. Bilan au moins 16 blessés, dont 3 dans un état grave. Sur place, l'un de nos reporters, Philippe Bocara. Oui, alors on peut vous confirmer d'ores et déjà qu'il s'agit bien d'un attentat, puisqu'Alain Juppé, dès qu'il est arrivé sur place, a prononcé ce mot. Des éléments aussi donc sur le bilan de cette explosion, 16 blessés, dont 3 grièvement atteints. Il s'agirait d'un homme, d'un enfant et d'une femme qui ont été transportés vers les hôpitaux Bichat et Ambroise Paré à Paris. Voilà ce qu'on peut dire pour le bilan. Pour l'instant, donc 16 blessés, une femme, un enfant et un homme. Sur l'origine de la bombe qui a donc explosé dans cette poubelle de forme rectangulaire, comme il y en a 134 sur les Champs-Élysées, sur l'origine de cette bombe, donc on sait déjà, vous le disiez Patrice, qu'il s'agit d'une bonbonne de gaz à l'intérieur des clous et des boulons. Des clous, des boulons, une bonbonne de gaz. Difficile de ne pas faire le lien avec l'attentat du RER à Saint-Michel. Le mode opératoire est le même. Une bombe artisanale formée d'un engin explosif scotché à une bonbonne de gaz, elle-même associée à de la mitraille. Tout est réuni pour faire un maximum de dégâts lors de l'explosion. Aussitôt, la nouvelle fait la une des journaux nationaux avec ce titre « La guerre du GIA contre la France » ou encore « Ces islamistes qui veulent verser le sang des Français ». Très vite, un climat de psychose s'installe dans tout le pays. Des milliers de réservistes et de soldats sont appelés pour patrouiller dans Paris et dans les grandes agglomérations. On craint à tout moment un nouvel épisode sanglant. Le surlendemain, l'ambassade de France à Alger reçoit une étrange lettre signée d'un dénommé Zitouni. On pense alors à Jamel Zitouni, le chef du GIA. Dans cette missive rédigée en arabe, il demande à Jacques Chirac de se convertir à l'islam et de reconsidérer ses positions sur le dossier algérien. Une provocation, une de plus pour Paris. Puis ce sont les services de renseignement algériens qui, notons-le, ne cesseront de souffler le chaud et le froid dans toute cette histoire à se demander à quel jeu ils ont joué. Ils affirment aux Français qu'un dénommé Abdelkrim Denesh, l'un des principaux responsables du GIA résident en Suède, aurait un lien avec l'attentat de la place Saint-Michel. Denesh est aussitôt arrêté à Stockholm par la police suédoise, mais ses collègues français doivent vite déchanter. L'homme en question n'était pas à Paris au moment des faits et aucune preuve ne permet de le relier au dossier d'enquête.

hier matin, nous avons été alertés par un conducteur d'un TGV de la présence au nord de Lyon sur la ligne nouvelle TGV d'un colis qui lui a paru suspect, se trouvant au bord de la voie ferrée. Ce que nous avons fait, nous avons demandé à un conducteur qui circulait dans le secteur et dans le sens nord-sud de faire les vérifications d'usage et de nous confirmer l'information. Ce conducteur nous a donc signalé un objet qui ressemblait, à, semblait-il, à une bouteille de gaz qui était recouvert d'un sac plastique, quoi, en quelque sorte. Une bouteille de gaz, encore une. Heureusement, l'engin qui était programmé pour exploser au passage du train n'a pas fonctionné. Il est désamorcé par les démineurs et rapatrié à Paris pour une expertise minutieuse. Quelques jours plus tard, les analyses reviennent avec pour la première fois un indice, un vrai celui-là. Sur un morceau d'adhésif qui sert à relier la bonbonne au système de mise à feu, on a identifié une empreinte digitale. Désormais, le terroriste fantôme a un visage et un nom, celui de Khaled Kelkal. Les enquêteurs tombent de haut. Eux qui s'attendaient à découvrir l'un des pontes du GIA ou un filtré ou une tête de réseau, rien. Khaled Kelkal n'est rien d'autre qu'un petit voyou fiché au banditisme pour un vol à la voiture Bélier, un sans grade. Et puis, Khaled Kelkal est jeune, il n'a que 24 ans. Son profil ne correspond pas du tout à ceux des islamistes marginaux que recherchait activement la DST. Son ancien avocat, maître Richard Zelmati, interviewé par des journalistes d'Antenne 2, en profite d'ailleurs pour dresser de son client, Kelkal, le portrait d'un homme tout à fait inoffensif. Il était un enfant issu de ces banlieues, avec une particularité, c'est que lui était doté d'une scolarité étoffée et certaine, puisqu'il était en première F, section chimie d'un lycée réputé de l'agglomération lyonnaise. Est-ce le fait qu'en prison il est particulièrement mal accepté, donc la peine de 4 ans qui lui a été infligée par la cour d'appel et qui a engagé ce que l'on pourrait qualifier donc de fracture vis-à-vis de la société, ce n'est là qu'une supposition. Mais c'est je ne peux. Un garçon influençable ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. C'était au contraire un garçon qui faisait preuve donc d'autorité. D'autorité, une autorité donc toute naturelle, mais sans excès. À votre avis, est-ce que, par rapport à la religion, il avait des convictions bien arrêtées ? Je ne le pense pas non plus. Il était issu d'une famille que l'on pourrait qualifier donc de traditionnelle, remarquablement soutenue par ses frères et sœurs, ça j'en ai un excellent souvenir, qui faisait montre d'une remarquable solidarité. Originaire d'une cité à Vaux-en-Velin, d'une famille effectivement modeste mais intégrée, le jeune Khaled n'avait connu jusqu'à sa condamnation pour un casse à la voiture Bélier aucune anicroche dans son parcours scolaire. En ce cas, il avait fait qu'un ami pour se payer un nouveau jean, mais l'affaire avait mal tourné et il s'était retrouvé en prison. Pendant 4 ans, en prison, il découvre l'islam et apprend à lire l'arabe. À sa sortie, sa façon de vivre change radicalement. Alors, ses amis s'interrogent. Il fait plusieurs voyages mystérieux en Algérie pendant plusieurs semaines. Inconnu des services de renseignement jusqu'en août 1995, il est fiché chez les gendarmes de la région de Lyon qui, eux, le recherchent dans une toute autre affaire. Au moment où il est identifié par les policiers de la lutte antiterroriste comme le possible poseur de bombes de la ligne TGV, Khaled Kelkal est en fuite après une violente fusillade en voiture avec des gendarmes dans la banlieue lyonnaise à Bron le 15 juillet, soit 10 jours avant l'attentat de Saint-Michel. Peu après les faits, on a retrouvé le véhicule du jeune homme abandonné. À l'intérieur, les enquêteurs ont relevé ses empreintes et des cartouches de calibre 12. Sur le moment, les gendarmes n'ont pas fait le rapprochement que vont faire les enquêteurs de l'antiterrorisme, à savoir que ce sont les mêmes balles de calibre 12, de même marque, de même série, qui ont servi à abattre l'un des cofondateurs du Front islamique du salut, le fils, l'imam Sahraoui, à Paris, le 11 juillet. Une affaire que les enquêteurs avaient attribuée au GIA. Alors, Khaled Kelkal serait-il lié à une cellule lyonnaise du GIA ? L'assassinat de l'imam Sahraoui serait-il le vrai point de départ de son road trip meurtrier ? C'est pour le savoir que dans la journée du 31 août, la police interpelle une vingtaine de personnes dans les milieux islamistes à Lyon. Ils ne l'apprendront qu'après coup, mais ils viennent de démanteler l'un des groupes les plus importants sévissant en France. Dimanche 3 septembre 1995, Paris, marché Richard Lenoir dans le 11e arrondissement. Dans la capitale touchée à deux reprises par les actions terroristes, la tension semble redescendre d'un cran après cette vague d'arrestations dans les milieux islamistes et surtout après l'identification de l'un des poseurs de bombes. Et pourtant, Paris est de nouveau touché par un attentat au colis piégé, heureusement de faible puissance. L'engin dissimulé dans une cocotte minute ne fait que quelques blessés parmi les passants. Invité le soir même sur France 3 à s'exprimer sur sa politique générale, le président de la République, dans son rôle, réaffirme sa fermeté vis-à-vis des poseurs de bombes. On ne discute jamais avec des terroristes. On ne parle pas la même langue qu'eux. Et donc si on discutait, on ne se comprendrait pas. Et comme nous, nous avons une morale et pas eux, on serait toujours en situation de faiblesse. Donc on ne discute pas. Le lendemain matin, une nouvelle bombe est découverte dans une Seine-Isette, place Charles Vallin, dans le 15e arrondissement de Paris. Elle est désamorcée par les démineurs. C'est le 4e acte terroriste depuis l'attentat de Saint-Michel. Le 2e en l'espace de 2 jours dans la capitale. Alors forcément, la psychose revient. Les Parisiens évitent les transports en commun ou les grands centres commerciaux. Paris retient son souffle. On s'attend à subir un nouvel attentat d'un moment à l'autre. Pourtant, c'est à près de 500 kilomètres de là, à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, que les terroristes frappent. 3 jours plus tard. J'ai eu peur, hein. Pour l'instant, oui. Mais je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Il y a quelques minutes qu'il y a le bus qui venait de passer. Et moi, j'ai décidé de rentrer à pied chez moi, je sors du boulot. D'un seul coup, boum, j'ai reçu des morceaux de verre sur la tête. Tu croyais que ça donne un appartement? Énormément de monde dans la rue. Regardez, je suis plein de poussière. Mais heureusement que j'ai rien, hein. Heureusement que j'ai rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Une voiture piégée explose devant une école juive quelques minutes seulement avant la sortie des classes. La rue est dévastée. Sur 150 mètres, les immeubles sont en flammes. Le bilan est de 14 blessés, principalement des passants. Mais il aurait pu être bien plus lourd, car dans la cour de l'école, on retrouve des boulons et des clous projetés lors de l'explosion. En période de rentrée des classes, cet événement traumatise. Au ministère de l'Intérieur, il devient clair qu'il faut rendre public le nom et le visage de Khaled Khalkhal pour réussir à le localiser et donc éventuellement l'arrêter. En l'espace de 24 heures, près de 170 000 photos du suspect numéro 1 dans la vague d'attentats Khaled Khalkhal sont placardées. Khaled Khalkhal devient l'ennemi public numéro 1, mais se trouve-t-il toujours en France ? Les semaines passent et les fausses pistes se multiplient. Il aurait été vu à Dunkerque, à Marseille, à Perpignan. Quand enfin une piste sérieuse s'offre aux enquêteurs, deux chercheurs de champignons découvrent par hasard un campement au col de Malval dans la forêt des Monts du Lyonnais. Des promeneurs aperçoivent deux hommes habillés en tenue militaire et préviennent aussitôt les gendarmes. Lorsque ceux-ci se rendent sur place, ils se retrouvent nez à nez avec des hommes armés. Alors une fusillade éclate, des renforts de gendarmerie arrivent, l'un des deux hommes est blessé, l'autre réussit à prendre la fuite. Immédiatement, la gendarmerie déploie d'importants moyens. 300 gendarmes et 2 hélicoptères sont actuellement lancés dans une chasse à l'homme qui pourrait faire rebondir l'enquête sur les attentats. On vient d'apprendre que le suspect recherché dans la région de Vaugneray correspondrait au signalement de Khaled Khalkhal. Lors des vérifications sur les lieux, il a été découvert du matériel de camping, 300 cartouches, 2 fusils à pompe, une mitraillette Sten et des autres ustensiles qui ont conduit à penser qu'un certain nombre d'individus avaient pu se réfugier dans cette région pour échapper à des recherches de police. Le procureur adjoint Xavier Richaud en est d'autant plus sûr que le matériel retrouvé dans le campement est un véritable arsenal de guerre. Et puis le deuxième homme, identifié sous le nom de Karim Koussa, est un proche de Khaled Khalkhal. Au même moment, un peu plus bas dans la vallée, les gendarmes interceptent une voiture avec 2 jeunes gens, 2 amis de Khaled Khalkhal, qui venaient, semble-t-il, ravitailler les campeurs. Pendant presque 48 heures, les gendarmes ratissent les bois et les maisons dans les monts du Lyonnais. Une véritable chasse à l'homme est lancée. Le secteur est totalement bouclé. Sur chaque route, un barrage de gendarmerie en contrôle l'accès. On appelle en renfort des gendarmes du GIGN et certains de l'EPIGN, un escadron parachutiste spécialisé dans les interventions à haut risque. Ce sont ces mêmes gendarmes spécialisés qui vont faire face dans les heures qui suivent à l'homme le plus recherché de France. Dans la soirée du vendredi 29 septembre 1995, alors que le dispositif de recherche a été allégé, on pense que Khaled Khalkhal est passé entre les mailles du filet. La gendarmerie de Vaugneray, où se trouve le PC de crise, reçoit un appel d'une habitante qui dit avoir aperçu un homme inquiétant à la sortie du village, au lieu dit Maison Blanche. Des gendarmes de l'unité de l'EPIGN se rendent sur place. Au moment où ils sortent de leur véhicule, l'homme dégaine. S'ensuit une fusillade, les gendarmes répliquent, puis l'un d'eux crie « Halte au feu !» L'individu est à terre, criblé de 14 balles. Quand soudain, celui-ci pointe une nouvelle fois son arme en direction des militaires, de nouveaux coups de feu sont tirés, une nouvelle balle atteint le fugitif en pleine tête. Attention ! Ok, c'est bon ! C'est bon, c'est réglé. Attends, bouge pas. Non, bouge pas. Nico Derrick. Sur place, le climat est très tendu. Un corps gît sur le côté de la rue. Un photographe essaie de s'approcher. Il est immédiatement repoussé par les gendarmes de l'EPIGN. Puis d'autres gendarmes arrivent pour boucler le périmètre. Le procureur annonce le décès de Khaled Kelkal. Fin de la traque dans le sang pour l'homme le plus recherché de France. Dans les jours qui suivent, la polémique enfle. Avait-on décidé de tuer Khaled Kelkal lors de la fusillade ? Place Beauvau, on dément formellement. Les gendarmes ne font que répondre à des tirs. Comprenez ici, ils ont agi en état de légitime défense. On connaît la formule qui veut dire « circuler ». Il n'y a rien à voir. Le 6 octobre 1995, une semaine après la fusillade qui a coûté la vie à Khaled Kelkal, et alors qu'il est enterré par sa famille, un nouvel attentat au colis piégé fait 13 blessés légers à la station Maison-Blanche à Paris. Vu le timing et le lieu choisi, les policiers pensent immédiatement à une vengeance des islamistes. Dans les jours qui suivent, Jamel Zitouni, le chef présumé de GIA, revendique la série d'attentats commis depuis juillet et annonce des frappes militaires au cœur même de la France et de ses grandes villes. Puis le 17 octobre, un nouvel attentat a lieu sur la ligne C du RER entre les stations Musée d'Orsay et Saint-Michel. Il y a 5 blessés graves. Face à l'Assemblée, le Premier ministre Alain Juppé appelle à ne pas céder à la psychose ni à la fatalité des attentats. On pense alors que les terroristes vont continuer à provoquer la terreur et qu'en définitive, la mort de Khaled Kelkal a envenimé la situation. Pourtant, au même moment, grâce à un numéro de téléphone récupéré dans l'une des poches du jeune terroriste tué à Vaugneray, les policiers sont proches du but. Après plusieurs semaines d'écoute et de filature, ils interceptent à Paris, le 2 novembre, le chef opérationnel présumé des attentats, Bouhalem Ben Saïd. Puis, ils démantèlent un réseau islamiste qui avait prévu de nombreux attentats à Lille. Ils arrêtent au passage Aït Ali Belkacem, chez qui ils découvrent l'attirail du parfait poseur de bombes et surtout, une carte orange qui a servi le 17 octobre 1995 à la gare de Javel, quelques minutes avant l'explosion dans le RERC. À Londres, c'est Rachid Ramda, financier occulte du GIA, qui est arrêté par Scotland Yard. L'étau se resserre jusqu'à l'étouffement. Après plusieurs audiences séparées qui ont permis de juger près d'une quarantaine d'individus, un grand procès s'ouvre le 1er octobre 2002 devant la cour d'assises à Paris. Les deux principaux prévenus, Belkacem et Ben Saïd, sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le premier pour l'attentat du musée d'Orsay, le second pour celui de la Maison Blanche et de Saint-Michel. Mais derrière eux plane l'ombre d'un autre homme, Ali Touchtent, chef présumé de GIA en Europe et hypothétique agent double des services secrets algériens, que le tribunal correctionnel de Paris avait déjà condamné par contumace à 10 ans de prison. En 2005, Rachid Ramda, le financier du GIA, est extradé vers la France. Le 26 octobre 2007, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. We're stuck here, here where the many veins, where the letters, hearts once open are now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always I try, always to disappear, it's not enough to die. Disappear, it's not enough to die. No. and we're stuck here, here where the minute pains, where the letters are bigger pictures, says we belong. All together, that's every selfish body of mine. This humanity is what I love. What I hate me, no escaping, no way out, no running away. Far here we must be, far here we must stay. Always will I try, always to disappear, it's not enough to die. No, always will I try, always to disappear, it's not enough to die. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les attentats dans le RER Saint-Michel en 1995, avec notre invité Jean-Philippe Leclerc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste indépendant, collaborateur régulier du magazine M, hein, c'est le magazine du journal Le Monde, l'hebdo du Monde. Votre dernier ouvrage s'intitule « Mort pour la France-Afrique », paru chez Stock en 2014, coécrit avec Marina Ladoux et Robert Dulas. C'est une enquête sur la mort mystérieuse de Pierre Marzielli, seule victime française de la guerre civile en Libye. Vous en avez tiré un documentaire de 52 minutes, coécrit et réalisé sous le titre Pierre Marzielli, une affaire d'État, diffusée en décembre dernier par le magazine spécial Investigation sur Canal+. Voilà. Mais enfin, si vous êtes avec nous, c'est aussi et surtout parce que vous avez écrit donc ce grand article de synthèse sur Khaled Kelkal dans le magazine du Monde en septembre dernier. On va donc beaucoup parler ensemble de cet homme qui, hélas, a fait les émules, qui nous rappelle d'autres terroristes islamistes, ceux qui ont sévi en France plus récemment. Alors, je sais que vous êtes originaire de Rhône-Alpes, Saint-Étienne, je crois, Saint-Étienne. Stéphanois. Que faisiez-vous le jour de l'attentat dans le RER Saint-Michel? Alors, j'étais pas du tout. J'étais journaliste sportif. Je travaillais pour l'équipe et j'étais au meeting d'athlétisme de Monaco. Et c'est un confrère de France Inter qui était à côté de moi et qui m'a dit il y a eu un attentat à Paris, métro Saint-Michel, ça a pété. Visiblement, il y a beaucoup de morts. Je me souviens très bien de ce moment, de cette espèce de bulle d'insouciance dans laquelle on était à couvrir un événement sportif en principauté de Monaco avec le soleil, les gens en vacances et puis cette espèce de nouvelle horrible qui nous parvenait comme ça en direct. Alors c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a interpellé, qui vous a intéressé, à tel point que vous avez donc écrit ce grand article, ce Khaled Kelkal. D'ailleurs, j'encourage nos auditeurs, s'ils retrouvent le numéro, à lire ces pages. Il y a pas mal de pages, il y a presque 8 pages où vous expliquez vraiment qui est cette Tom, pourquoi avez-vous écrit cet article 20 ans après? Parce que vous êtes toujours interpellé par cette affaire-là, ces affaires de terrorisme intérieur? Parce que depuis, à chaque fois qu'il y a eu un attentat en France, et malheureusement il y en a eu beaucoup, j'ai pratiquement toujours repensé à Kelkal. C'était ce profil d'un jeune banlieusard presque comme les autres, et peut-être même un peu mieux que les autres, qui s'en sortait un peu mieux que les autres, et qui à un moment a basculé dans le terrorisme aveugle. Et c'est toujours une histoire qui m'a intéressé, qui m'a même fasciné. Et quand il y a eu les Mera, les Kouachi, la liste est là, c'est longue. À chaque fois, je me suis dit, tiens, voilà, c'est des nouveaux petits Kelkal. Il était la matrice de ces gens-là, en quelque sorte. Ah, sans vouloir, pas forcément son dessin, mais c'est vrai que tous les autres nous rappellent. À l'époque, on a pu avoir l'illusion que c'était un cas isolé lié au contexte algérien et à la guerre civile qui sévissait alors en Algérie. Malheureusement, on s'est rendu compte que, effectivement, enfin, il n'y a plus de guerre civile, en tout cas, elle n'est plus aussi sanglante en Algérie. Et on a un problème de terrorisme intérieur islamiste qui a été multiplié par 100 ou 200. Enfin, quand on voit le nombre de jeunes qui ont à peu près le même profil, en tout cas des points communs avec Kelkal, et qui aujourd'hui partent en Syrie pour combattre avec l'État islamique, ou qui ont été impliqués dans des affaires de terrorisme. Effectivement, c'est le premier visage du djihad français. Alors, qui était cet homme et que voulait-il au bout du compte ? Qu'il était, il était né en Algérie en 71, mais il était arrivé très tôt avec sa famille en France. Il avait seulement 3 mois. Il a grandi donc à Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. C'était plutôt dans une famille qui n'était absolument pas radicalisée, qui était entre guillemets une bonne famille. C'était famille une intégrée, famille, on va dire. Voilà, et puis des parents qui étaient unis, des frères et sœurs. Bon, il avait un grand frère qui était dans la délinquance, mais qui n'était pas du tout dans l'islam ou quoi que ce soit. Des sœurs en particulier qui réussissaient très bien. Lui-même a été un bon élève pendant le primaire. Ça a été aussi un bon élève pendant tout le collège. Il a pu intégrer un lycée à Lyon qui est assez prestigieux, qui s'appelle le lycée de la Martinière. Et là, on a une première faille. Et à l'époque, il est interviewé par un sociologue allemand, qui un peu par hasard fait une étude sur Vaux-en-Velin, et donc il interroge plein de jeunes comme ça, et il interroge Kelkal. Et Kelkal, il y a une expression qui revient très souvent, c'est « je suis pas à ma place ». Donc c'est typiquement un jeune qui ne trouve pas sa place. Et dans son lycée de la Martinière, ça pourrait être pour lui, enfin il pourrait le considérer comme un tremplin définitif vers la réussite et l'intégration. Et il se sent pas à sa place, il se sent rejeté, différent. Il se plaint pas d'actes de racisme ou quoi que ce soit, mais différent, rejeté. Et du coup, il bascule dans la délinquance. De la délinquance, il part en prison. En prison qu'il commence à côtoyer ses dérives islamistes? Est-ce que la prison et l'école, là, pour le coup, l'école du crime, est-ce que c'est le premier centre de recrutement? Est-ce que c'est là aussi qu'il faut peut-être faire porter nos efforts dans la lutte contre le terrorisme, là et ailleurs, mais là notamment? Très clairement, il rencontre un co-détenu qui lui présente une vision de l'islam qu'il n'avait pas jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, il avait la vision de l'islam de ses parents, qui était un islam, je dirais, assez modéré, familial. Ses parents étaient pas des pratiquants, mais ils respectaient certains principes de l'islam. Et là, d'un coup, il rencontre ce co-détenu qui lui dit, voilà, ça c'est l'islam des colons, c'est l'islam à la papa. Moi, je vais te présenter l'islam des lions, des combattants. Et en fait, il lui donne, comme on l'a vu souvent après, une sorte de vision du monde clé en main, où tout d'un coup, tout s'explique. À la fois la guerre d'Algérie, les discriminations en banlieue, le fait qu'il... Donc, Kelkal plonge vraiment là-dedans. C'est quelqu'un d'assez intelligent. Alors, si on doit faire des parallèles avec d'autres terroristes, j'ai l'impression... que par rapport au frère Kouachi ou au frère ou à Mohamed Merah, c'est quelqu'un de plus éduqué, de plus intelligent, et il va commencer à multiplier il est toujours allé en Algérie, mais plutôt pour les vacances, au bled, à Mostaganem, où il est né. Entre 93 et 95, il y retourne, on en reparlera, c'est moins des vacances. Et puis, donc il y a la guerre en Algérie, il a le sentiment d'une très grande injustice, et en partie il a raison, puisque le fils s'est quand même fait confisquer le résultat des élections de 90. Donc, tout ça monte une sorte de mayonnaise qui monte de colère. Ouais. Et cette colère, maintenant, elle a effectivement une sorte de simili raison d'explication qui est le radicalisme, l'islamisme et la guerre d'Algérie. Ce qui est intéressant à vous écouter, on pourrait presque mettre tous vos mots, tous ceux que vous prononcez, les éléments de votre analyse, les copier-coller à notre époque, là, aujourd'hui. C'est ça qui est fort et inquiétant en même temps. C'est le même processus, donc on passe par le prosélytisme, notamment en prison. Alors, il fait un séjour à Mostaganem, en Algérie, au bled, entre 93 et 95. Est-ce que ce séjour-là est important? Est-ce que c'est un séjour de vacances auprès de sa famille? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de... Depuis qu'il est tout petit, il va pratiquement tous les étés en Algérie, à Mostaganem. Ce qu'on a découvert avec l'article, parce que jusque-là, on savait assez peu de choses sur, Kelkal et l'Algérie, puisqu'il n'y a pas eu de procès, donc il n'y a pas eu vraiment d'enquête de personnalité ou quoi que ce soit. Donc on ne savait pas trop ce qu'il avait tourné en Algérie. Là, ce qu'on a découvert, par exemple, c'est que l'histoire de sa famille était plus compliquée que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'en particulier, il avait un grand-père qui avait été abattu par un soldat français pendant la guerre d'Algérie. Donc avec déjà un traumatisme familial fort. Et politique en même temps. Et politique. Et on a retrouvé donc un de ses oncles qui habite toujours Mostaganem et qui dit voilà, donc on a le grand-père qui a été tué pendant la guerre d'Algérie, qui a été abattu de sang-froid par un soldat français, et on a son petit-fils qui a été abattu par les gendarmes, et ça prouve bien que la France, le français, elle, est l'Algérien. Ouais. Alors je lui laisse la responsabilité de ses propos. Mais en tout cas, on sent qu'en Algérie, il a baigné aussi dans cette ambiance. Et puis, je pense qu'il a été fasciné, un peu comme un gosse, par ces combattants qui tenaient pratiquement la ville de ces combattants islamistes, qui tenaient pratiquement la ville de Mostaganem, qui voyaient défiler dans les rues, dans leurs pick-up lourdement armés. Et d'ailleurs, il s'est confié, quand il est revenu en France, à des complices, et il leur a dit, voilà, moi, je veux rejoindre les maquis algériens. D'ailleurs, c'était son intention. Sa première intention, c'était vraiment ça, c'était rejoindre les maquis algériens. Pas dans un premier temps commettre des attentats en France. Jean-Philippe Beuclerc, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de Khaled Kelkal et des résonances de son histoire sur ce que nous connaissons aujourd'hui après avoir écouté Coolio qui chante Gangster Paradise. C'était en 1995, bien sûr. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Got the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. And the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We'll be right back. Jean-Philippe Leclerc, on évoquait tout à l'heure les explications sociologiques et psychosociologiques qui ont poussé Ralette Kelkal à commettre ces actes et qui ont poussé les autres aussi, hein, ceux d'aujourd'hui, et dire, enfin, il y a aussi quand même une responsabilité personnelle, tous ceux qui ont eu les oreilles rebattues par le prosélytisme islamiste n'ont pas versé dans la violence non plus. Heureusement, et il y a effectivement des jeunes de la génération de Kelkal ou des générations suivantes qui ont sûrement subi bien pire en termes de discrimination, de racisme, et qui heureusement n'ont pas basculé comme ça dans la violence et dans le terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même un énorme gouffre entre ressentir ces discriminations, ressentir souvent à raison ce racisme, et puis se dire bah tiens, je vais fabriquer une bombe et puis je vais la placer sur la voie de TGV pour tuer le maximum de passagers. Évidemment. Plus tard, une polémique a enflé autour de la prétendue volonté des gendarmes d'élite d'avoir délibérément abattu le fugitif. Alors, on a parlé de légitime défense. On va écouter une archive ensemble. On va écouter la réponse du Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, qui s'est exprimé sur ce sujet à l'Assemblée le 3 octobre 1995. Kelkal vient d'être abattu par les gendarmes sur lesquels il tirait et qui se trouvait face à lui en situation de légitime défense. C'est un point marqué par la loi contre le crime. Or voici que se développe, vous l'avez dit, monsieur le député, un début de polémique, au risque d'attiser l'incompréhension et même la haine dans certains secteurs de l'opinion. On va jusqu'à parler, j'ai entendu utiliser cette expression, d'assassinat délibéré. Il m'appartient d'affirmer que je ne laisserai pas des gendarmes ou des policiers sans défense quand on leur tire dessus. Nous aurions préféré prendre Kelkal vivant, ce qui aurait facilité l'enquête. Il a choisi la violence, il en a payé le prix. Cette polémique vous paraît-elle, avec le recul, justifiée ? Oui. En fait, elle naît d'une manipulation, c'est-à-dire qu'il y a deux journalistes, deux équipes de télé sur place quand Kelkal est abattu, dont une équipe de M6, et c'est le reportage de M6 dont le commentaire est coupé, et il y a deux phrases en fait qui sont supprimées où on entend les gendarmes dire finis-le, finis-le, et c'est révélé par un journaliste qui s'appelle Robert Marmoz, et effectivement à partir du moment où il y a manipulation, il y a doute et il y a ce soupçon d'une exécution délibérée de Kelkal et non pas de légitime défense comme vient de le rappeler le Premier ministre. En même temps, ces gens-là commettent des actes de guerre auxquels on répond par un acte de guerre. Alors, il faut moi, se remettre. Je ne justifie rien, je ne suis pas là pour ça. Alors, il faut effectivement se remettre dans les circonstances, c'est-à-dire qu'il y a eu une traque de Kelkal avec tout un tas de fausses pistes. Alors on appelle les gendarmes, ils partent. Bon, et finalement ils tombent sur lui vraiment. C'est le soir, il fait pratiquement nuit noire. Kelkal est armé, donc là il y a un échange de coups de feu avec les gendarmes d'un régiment d'élite qui s'appelle l'EPIGN. Donc il y a une scène quand même assez confuse. Et surtout, on a le recul maintenant, 20 oui, ans après. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait penser qu'on aurait pu prendre Kelkal vivant, mais on se rend bien compte que depuis, enfin, on l'a vu avec les frères Kouachi ou avec Mera, ce genre de terroristes-là ne veulent pas se laisser prendre vivant. On n'est pas dans les schémas, de, par exemple, d'action directe, où effectivement, se faire prendre faisait partie de la règle du jeu. Après, on partait en prison, on cherchait à s'évader, ouais. On cherchait là, à revenir. Là, on veut mourir en martyr. Là, maintenant, on veut mourir en martyr. Oui. Ça fait partie... Ça fait partie du jeu, excusez-moi l'expression. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans la même configuration. Et j'avais parlé pour l'article avec quelqu'un qui, à l'époque, avait été en clandestinité avec Kelkal et qui m'avait dit, de toute façon, il ne voulait pas se faire prendre. Alors moi, je retiens quand même aussi la phrase dans votre article, quand vous dites « La France découvre alors son premier terroriste bien de chez nous ». Vous dites « bien de chez nous ». Oui, c'était une façon de dire que, oui, non, que comme vous l'avez dit, il y a pas de jugement sur la phrase. Comme vous l'avez dit dans le reportage, à l'époque des attentats, on s'attendait à tomber quand on a eu enfin cette empreinte digitale, on s'attendait à tomber sur un pont du GIA, sur un terroriste de l'OLP ou je ne sais quoi, et on est tombé sur un bon petit gars, c'est ce que vous vouliez dire, bien d'accord. De chez nous. D'accord. Pardon de vous couper. On arrive à 4 secondes de la fin de l'émission. Je rappelle quand même que le plan Vigipirate qui fait fait partie de notre quotidien que nous connaissons si bien maintenant, eh bien, il vient de, des attentats, justement, exactement, de 1995. Je vous remercie, Jean-Philippe Leclerc. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les attentats du RER Saint-Michel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livre, référence et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Roland Mahé qui était à la technique aujourd'hui. À suivre tout de suite après le flash de 16h. Pop, pop, pop avec Antoine Decaune, bien sûr. Cher Antoine, quel est le programme aujourd'hui? Bonjour, enfin, attendez, avant le programme, je viens d'apprendre que vous rappez le soir en after, en sortant de la scène du Tristan Bernard. Vous jouez évidemment tous les soirs à faire sensible un baston de foune. Et oui, vous allez être parfaitement heureux puisque nous recevons Caris pour le film d'Olivier Marchal et en bonus Thibaut Villeneuve pour son Villanova pour son nouveau Gastronogeek. Bien, je réponds à votre question, c'est oui. Ben, au passage, bien. Ah oui, je sais que vous rappez. Ah oui, vous ne le laissez pas. À tout de suite.